Le comité préparatoire chypriote pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017 est constitué. Adamos Katsantronis, président de l'Association d'amitié culturelle Chypre-Corée, est élu président.